O quê? Ce talk, l'album de mes nerfs, gros, qui s'intitule Le rap, ma vocation. 2009, gros, ya, ce talk. Roya, j'aimerais ressembler aux aînés. Ma gloire est venue, c'est leur réussir. J'pourrais cliquer rien qu'avec mes rimes meurtriers. Quand je rentre dans le rap, impossible d'en sortir. J'ai rien à me reprocher, c'est plutôt réussir ou mourir. Dans le rap, c'est chacun pour sa peau. C'est rigolo quand te vois derrière les barreaux. Je représente l'Algérie sur mon torse gosse. Car je gosse sur mon flow, ramène ta torche gros. Un freestyle de trois rimes, et c'est parti. J'ai la rage de pitbull de merboule. Depuis petit, la faucheuse me poursuit. Un jour, elle aura ma peau. Tu vois jamais un roulant ou un robot à l'osto. Moi, j'ai duré très souvent au cachot. Dans ma vie, j'ai croisé que des idiots. Ne parle pas de moi, gros. Si t'as un problème, c'est où me trouver. N'égare pas ta plaque, t'hériterai. Te faire péter, la faucheuse m'attend au tournant. Alors j'évite de déraper. Ici, c'est The Talk, mon rap. Percer tes bancs, une envie d'y arriver, car ça c'est mon devoir. Dans la vie, y'a pas 30 couloirs. Soit t'arrives, ou soit tu te mets à boire, ou à continuer à bosser au noir. Une envie d'y arriver, car ça c'est mon devoir. Dans la vie, y'a pas 30 couloirs. Soit t'arrives, ou soit tu te mets à boire, ou à continuer à bosser au noir. Nous on veut un rap qui t'arrache les oreilles. On fait pas du rap pour gagner de l'oseille. On fait un rap de prix, pas du rap de fils de pute. J'ai vu des potes se faire niquer entre eux. Certaines personnes se sont fait plomber. Certaines personnes les sortent pour rire dans les cités. Et dans des sites charbonnés pour pouvoir réussir leur futur projet. Ce monde ne connaît plus le respect. Ce texte n'a pas de fin. Je les chierai à péter les verrous. Tu es rappé même en chien. Et ouais frère, c'est la vie des mecs en galère. On m'a toujours dit respecte tes choix. Merdi m'a dit t'inquiète, tu vas réussir toi. Je rappe avec le sol et pile sur mon corps. L'état essaie de dire qu'on a tous tort. Allez vous faire reculer si mon rap est trop hardcore pour la communauté. Une envie d'y arriver car ça c'est mon devoir. Dans la vie il n'y a pas 30 couloirs. Soit t'arrives ou soit tu te mets à boire, ou à continuer à bosser au noir. Une envie d'y arriver car ça c'est mon devoir. Dans la vie il n'y a pas 30 couloirs. Soit t'arrives ou soit tu te mets à boire, ou à continuer à bosser au noir. Le rap sa mère, nous on est de fier pour la guérilla. Nique l'état et tout se garde pas. Je suis fier de mon vécu, tout ce que j'ai vu. Fier d'être en arrivé là. Fier de retrouver le frérot. Ici c'est The Talk Poto. Voilà notre fardeau. L'Algérie Poto. On a la dalle. On veut de la France d'en bas. On veut la réussite sans faire n'importe quoi. Ok, The Talk à la prod. Le rap ma vocation. 2009, oh yeah. Une envie d'y arriver, car ça c'est mon devoir. Dans la vie, il n'y a pas 30 couloirs. Soit t'arrives, ou soit tu te mets à boire, ou à continuer à bosser au noir. Une envie d'y arriver, car ça c'est mon devoir. Dans la vie, il n'y a pas 30 couloirs. Soit t'arrives, ou soit tu te mets à boire, ou à continuer à bosser au noir. T'es ok? Ok, ce dog à la prod de mes nefs, gros. Et ouais, gros. Une dédicace à mon poteau dit là-haut. Une dédicace à la 11ème zone poteau. Ok, on a la dalle. Ok, tu sais, frère, qu'on a la dalle. Ce dog à la prod, gros.